qu'il y a beaucoup trop de monde. Samedi dans les supermarchés, sans oublier la fin dans le monde. Encore un peu on oublierait. Sens à l'existence, quoi la mort et la souffrance, l'augmentation du prix de l'essence, toutes ces questions pleines d'importance, passe des jours entiers à travailler jusqu'à plus d'heure, on est prêt à se tuer. Personne sur terre pour écouter nos misères. Sous les ponts l'eau va couler, les soucis vont s'effacer. Ceux qui seront là pour creuser n'y trouveront plus que poussière. Les glaces qui fondent au pôle nord, la couche d'ozone qui s'estompe, mon PC qui merde encore, la hausse du prix à la peur. Problèmes éphémères trouveront des solutions. Ces petites misères sont passagères. C'est ce que nous dit la chanson. Dans un million d'années, on aura tout oublié. Y'aura plus personne sur terre pour écouter nos misères. Sous le pont, l'eau va couler. Les soucis vont s'effacer. Ceux qui seront là pour creuser.